tu la vis garçon. Je ressens ton amour. Ton amour te caresse toujours. Mon petit garçon, quelle est ta réponse? Je cours après le temps. Pourtant ces seins sont si garçons. Où nous vivons, mon petit garçon, une histoire vraie plus forte que les mots. N'en parlons pas. Maintenant tu es encore l'enfant. Je te réponds. Nuit t'es ainsi, nuit t'es folie. En cette fin, mon petit ami, ne la fuyons pas notre histoire. Je t'aime parce que tu te pourras. Tu t'espérons et tu les vois. Mon petit garçon, pour tout la vie garçon, je reste loin ton amour. Ton aimant tes caresses toujours. Mon petit garçon, quelle est ta réponse? Tu cours après le temps. Pourtant ces seins sont si garçons. Pour nous vivons, mon petit garçon, juste frais plus fort que les mots. N'en parlons pas. Maintenant tu es encore l'enfant. Je te réponds. Nuit t'es ainsi, nuit t'es folie. On se fait mon petit ami. Ne la fuyons à notre histoire. Je t'aime parce que tout pour moi. Toute espérance et tous les âmes. Mon petit garçon, tout la vie garçon. Tu reçois ton amour. Donnez-moi tes caresses tout sûr. Mon petit garçon, je l'ai ta réponse. Je cours après le temps. Pour toi, c'est ton si garçon.